Chapitre 145. La patrie est en danger. Le 22 juillet, à 6 heures du matin, 8 jours après la fête du Champ de Mars, Paris tout entier tressaillait au bruit d'une pièce de canon de gros calibre tirée sur le pont Neuf. Un canon de l'arsenal lui répondit, faisant écho. D'heure en heure, et pendant toute la journée, le bruissement terrible devait se renouveler. Les 6 légions de la garde nationale, conduites par leurs 6 commandants, étaient réunies, dès le point du jour, à l'hôtel de ville. On y organisa 2 cortèges pour porter, dans les rues de Paris et dans les faubourgs, la proclamation du danger de la patrie. C'était Danton qui avait eu l'idée de la terrible fête, et il en avait demandé le programme à Sergent. Sergent, artiste médiocre comme graveur, mais immense metteur en scène, Sergent, dont les outrages qu'il avait assaillis aux Tuileries avaient redoublé la haine. Sergent avait déployé dans tout le programme de cette journée cet appareil grandiose dont il donna le dernier mot après le 10 août. Chacun des 2 cortèges, l'un qui devait descendre Paris, l'autre le remonter, partit de l'hôtel de ville à 6 heures du matin. D'abord s'avançait un détachement de cavalerie avec musique en tête. L'air que jouait cette musique, composée pour la circonstance, était sombre et semblait une marche funèbre. Derrière le détachement de cavalerie venaient 6 pièces de canon marchant de front là où les quais ou les rues étaient assez larges, marchant 2 à 2 dans les rues étroites. Puis 4 huissiers à cheval, portant 4 enseignes sur chacune desquelles était écrit un de ces 4 mots, liberté, égalité, constitution, patrie. Puis 12 officiers municipaux en écharpe et le sabre au côté. Puis, seul, isolé comme la France, un garde national à cheval, tenant une grande barrière tricolore sur laquelle étaient écrits ces mots « Citoyens, la patrie est en danger ». Puis, dans le même ordre que les premières, suivaient 6 pièces de canon au retentissement profond, au lourd soubresaut. Puis, un détachement de la garde nationale. Puis, un second détachement de cavalerie fermant la marche. À chaque place, à chaque pont, à chaque carrefour, le cortège s'arrêtait. On commandait le silence par un roulement de tambour. Puis on agitait les bannières, et quand aucun bruit ne se faisait plus entendre, quand le souffle haletant de 10 000 spectateurs était rentré captif dans leur poitrine, s'élevait la voix grave de l'officier municipal qui lisait l'acte du corps législatif et qui ajoutait « La patrie est en danger !» Ce dernier cri était terrible et vibrait dans tous les cœurs. C'était le cri de la nation, de la patrie, de la France. C'était une mère à l'agonie qui criait « À moi, mes enfants !» Et puis, d'heure en heure, retentissait le coup de canon du Pont Neuf avec son écho de l'arsenal. Sur toutes les grandes places de Paris, le parvis Notre-Dame en était le centre, on avait dressé des amphithéâtres pour les enrôlements volontaires. Au milieu de ces amphithéâtres était une large planche posée sur 2 tambours servant de table d'enrôlement, et à chaque mouvement imprimé à l'amphithéâtre, les tambours gémissaient comme un souffle d'orage lointain. Des tentes surmontées de bannières tricolores étaient dressées tout autour de l'amphithéâtre. Ces tentes étaient surmontées de banderoles tricolores et de couronnes de chêne. Des municipaux en écharpe siégeaient autour de la table et au fur et à mesure des enrôlements délivraient les certificats aux enrôlés. De chaque côté de l'amphithéâtre étaient 2 pièces de canon. Au pied du double escalier par lequel on y montait, une musique incessante. En avant des tentes et suivant la même ligne courbe, un cercle de citoyens armés. C'était à la fois grand et terrible. Il y eut enivrement de patriotisme. Chacun se précipitait pour être inscrit. Les sentinelles ne pouvaient repousser ceux qui se présentaient. À chaque instant, les rangs étaient brisés. Les 2 escaliers de l'amphithéâtre, il y en avait un pour monter, un autre pour descendre, ne suffisaient pas, si larges qu'ils fussent. Chacun montait comme il pouvait, aidé de ceux qui étaient déjà montés. Puis, son nom inscrit, son certificat reçu, il sautait à terre avec des cris de fierté, secouant son parchemin, chantant le « ça ira » et allant baiser les canons bouche à bouche. C'étaient les fiançailles du peuple français avec cette guerre de 22 ans qui, si elle ne l'a pas eue dans le passé, aura pour résultat dans l'avenir la liberté du monde. Parmi ces volontaires, il y en avait de trop vieux qui, fat sublime, déguisaient leur âge. Il y en avait de trop jeunes qui, menteur pieux, se haussait sur la pointe des pieds et répondait « 16 ans » quand il n'en avait que 14. Ainsi partirent de la Bretagne le vieux la Tour d'Auvergne, du Midi le jeune Viala. Ceux qui étaient retenus par des liens indissolubles pleuraient de ne pouvoir partir. Ils cachaient de honte leur tête dans leurs mains et les élus leur criaient « Mais chantez donc, vous autres, mais criez donc, vive la nation !» et des cris soudains et terribles de « Vive la nation !» montaient dans les airs, tandis que d'heure en heure, toujours, tonnait le canon du Pont-Neuf et son écho de l'arsenal. La fermentation était si grande, les esprits étaient si puissamment ébranlés, que l'Assemblée elle-même s'épouvanta de son ouvrage. Elle nomma 4 membres pour sillonner Paris en tous sens. Ils avaient mission de dire « Frères, au nom de la patrie, pas d'émeute. La cour en veut une pour obtenir l'éloignement du roi. Pas de prétexte à la cour. Le roi doit rester parmi nous. » Puis ils ajoutaient tout bas les terribles semeurs de paroles « Il faut qu'il soit puni. » Et l'on battait des mains, partout ces hommes passaient, et l'on entendait courir par la multitude comme on entend courir le souffle d'une tempête dans les branches d'une forêt. Il faut qu'il soit puni. On ne disait pas qui, mais chacun savait bien qu'il voulait punir. Cela dura jusqu'à minuit. Jusqu'à minuit, le canon tonna. Jusqu'à minuit, la foule stationna autour des amphithéâtres. Beaucoup d'enrôlés restèrent là, datant leur premier bivac du pied de l'autel de la patrie. Chaque coup de canon avait retenti jusqu'au cœur des Tuileries. Le cœur des Tuileries, c'était la chambre du roi, où Louis XVI, Marie-Antoinette, les enfants royaux et la princesse de Lamballe étaient assemblés. Ils ne se quittèrent pas de la journée. Ils sentaient bien que c'était leur sort qui s'agitait dans cette grande et solennelle journée. La famille royale ne se sépara qu'à minuit passé, c'est-à-dire quand on sut que le canon allait cesser de tirer. Dans les attroupements des faubourgs, la reine ne couchait plus au rez-de-chaussée. Ses amis avaient obtenu d'elle qu'elle montât dans une pièce du premier étage située entre l'appartement du roi et celui du dauphin. Éveillée d'habitude au point du jour, elle exigeait qu'on ne fermât ni volet ni persienne afin que ses insomnies fussent moins pénibles. Madame Campan couchait dans la même chambre que la reine. Disons à quelle occasion la reine avait consenti à ce qu'une de ses femmes couche près d'elle. Une nuit que la reine venait de se coucher, il était 1 heure du matin environ, Madame Campan, debout devant le lit de Marie-Antoinette et causant avec elle, on entendit tout à coup marcher dans le corridor, puis un bruit pareil à celui d'une lutte entre 2 hommes. Madame Campan voulut aller voir ce qui se passait, mais la reine, se cramponnant à sa femme de chambre, ou plutôt à son amie, « Ne me quittez pas, Campan, » dit-elle. Pendant ce temps, une voix cria du corridor, « Ne craignez rien, madame, c'est un scélérat qui voulait vous tuer, mais je le tiens. » C'était la voix du valet. « Mon Dieu !» s'écria la reine, en levant les mains au ciel. « Quelle existence ! Des outrages le jour, des assassins la nuit !» Puis, au valet de chambre, « Lâchez cet homme !» cria la reine, « et ouvrez-lui la porte !»« Mais, madame !» fit Madame Campan. « Eh, ma chère, si on l'arrêtait, il serait demain porté en triomphe par les Jacobins !» On lâcha l'homme, qui était un garçon de toilette du roi. Depuis ce jour, le roi avait obtenu que quelqu'un couchât dans la chambre de la reine. Marie-Antoinette avait choisi Madame Campan. La nuit qui suivit la proclamation du danger de la patrie, Madame Campan se réveilla vers 2 heures du matin. Un rayon de lune, comme une lumière nocturne, comme une flamme amie, traversait les vitres et venait se briser sur le lit de la reine, au drap de laquelle il donnait une teinte bleuâtre. Madame Campan entendit un soupir. Elle comprit que la reine ne dormait point. « Votre Majesté souffre ? » demanda-t-elle à demi-voix. « Je souffre toujours, Campan, » répondit Marie-Antoinette. « Cependant, j'espère que cette souffrance finira bientôt. »« Bon Dieu, madame, » s'écria la femme de chambre, « Votre Majesté a-t-elle donc encore quelques sinistres pensées ?»« Non, au contraire, Campan. » Puis, étendant sa main pâle, qui devint plus pâle encore au reflet du rayon de la lune, « Dans un mois, » dit-elle avec une mélancolie profonde, « ce rayon de lune nous verra libres et dégagés de nos chaînes. »« Ah !» s'écria Madame Campan, toute joyeuse. « Avez-vous accepté le secours de Monsieur de Lafayette et allez-vous fuir ?»« Le secours de Monsieur de Lafayette ? Oh non, Dieu merci !» dit la reine avec un accent de répugnance auquel il n'y avait point à se tromper. « Non, mais dans un mois, mon neveu François sera à Paris. »« En êtes-vous bien sûr, Majesté ?» s'écria Madame Campan effrayée. « Oui, » dit la reine, « tout est décidé. Il y a alliance entre l'Autriche et la Prusse. Les 2 puissances combinées vont marcher sur Paris. Nous avons l'itinéraire des princes et les armées alliées, et nous pouvons dire sûrement, tel jour, nos sauveurs seront à Valenciennes, tel jour à Verdun, tel jour à Paris. Et vous ne craignez pas, » Madame Campan s'arrêta, « d'être assassinée ?» dit la reine en achevant la phrase. « Il y a bien cela, je le sais, mais que voulez-vous, Campan, qui ne risque rien à rien ?» « Et quel jour les souverains alliés espèrent-ils être à Paris ?» demanda Madame Campan. « Du 15 au 20 août, » répondit la reine. « Dieu vous entende, » dit Madame Campan. Dieu, par bonheur, n'entendit pas, ou plutôt il entendit. Et il envoyait à la France un secours sur lequel elle ne comptait pas, la Marseillaise.